pas les rênes de système. Un vrai écart qui nous malmène, prends-le en tant que tel, c'est trop le bordel. Je refuse dire, c'est pas mon problème. Maintenant, mat, la vision que je t'amène. C'est le dawa, c'est sûr. Des patrons, des laveurs de chaussures, des bons, des cons, des durs, des siens. Mais aussi des moins purs, ça pue la moisissure. Certains vivent près des ordures, d'autres dans leur voiture, d'autres dans la luxure, beaucoup dans la vie dure. Certains ont le monopole du pouvoir, tandis d'autres font 10 bornes pour pouvoir boire. Certains sont sûrs de d'autres, un plan les cieux. Certains vivent en guerre, d'autres se prennent la tête après trop de bière. Certains fusils, certains bousillent, d'autres sont dociles. Y'a des victimes et des bourreaux désignés par on ne sait quel escroc. Des simples et des benets, des caïds et des retraités. Des méchants et des héros, des chantants, des cracks d'héros, des poches vides. Malgré des cracks boursiers, balance, prison blindée, sale flic et jeune flippé. Des catastrophes naturelles, des météos surnaturelles, des gouttes qui perlent. Mine couche d'ozone qui se perce, des fils à papa, des fils en cabachette. Blâme qu'à les autres fournissent, mais se font poucave. Des accusés, des avocats, des tordus, des gens droits, des honnêtes, des rapaces, des respectueux et des lâches. C'est trop le bordel, je voudrais pas les rênes de système. Un vrai écart qui nous malmène, prends-le en tant que tel, c'est trop le bordel. Je refuse dire, c'est pas mon problème, maintenant mat. La vision que je t'amène. Comment c'est partager tout ça? Tu rigoles ou quoi? Dis pas qu'il y a besoin d'écart pour l'équilibre des états. Pareil qu'il y a besoin de pauvres pour qu'il y ait des riches. Attends vas-y donne-moi un coupe-coupe que je défriche. Je comprends pas tout ça moi qui a distribué les rôles. Les mecs qui déclarent la guerre ne sont pas ceux qu'on enrôle. Des guerres de religion, de territoire et des histoires derrière nous qui font que tout foire. Hitler, Mussolini, toutes leurs conneries s'attachent au game. Au 21ème on laisse s'installer Sarkozy. Puis 5 ans pour réagir, 30 ans pour dans les livres. Le lire, le passé sert à rien si on le réitère comme des chiens. Des génocides pour des excès de supériorité. Qu'est-ce qui pousse l'homme à se croire plus malin que ses aînés? Le racisme et toutes sortes d'extrémismes. Anti-noir, anti-blanc, anti-con. Division des races, division des classes. Voilà bien des mots inventés par des clébards. Des nettoyages au Karcher et Bush et Tony Blair. On parle moins de ceux qui ont œuvré pour la paix que de ceux qui ont tout fait pour la péter. Des polémiques, des quiproquos, des statistiques sur les pédos, la boulimie, l'anorexie et toutes sortes de maladies. C'est trop le bordel, je voudrais pas les rênes de système. Un vrai écart qui nous malmène, prends-le en tant que tel. C'est trop le bordel, je refuse dire, c'est pas mon problème. Maintenant mat, la vision que je t'amène. Des champignons atomiques, des guerres civiles et politiques. Des hommes qui se croient supérieurs parce qu'ils ont une bite. Des films de science-fiction, de fin du monde. New York sous les décombres, mais moins de solutions quand deux tours tombent. Avec ça les boches, les niaques, les feuges, les bamboulas et les petits beurs dans le terme qui causent notre malheur. Y'a pas à redire sur ça, les mots sont plus violents que les coups de schlasse. Surtout quand ils percutent la tête comme une menace. Parce qu'il y a un hémisphère contre un autre, la droite contre la gauche, l'Orient contre l'Occident. Tout ça devient trop terrifiant, j'ai trop peur de me reproduire. Déjà que pour nous y'a pas d'avenir. C'est trop le bordel, je voudrais pas les rênes de système. Un vrai écart qui nous malmène, prends-le en tant que tel. C'est trop le bordel, je refuse dire, c'est pas mon problème. Maintenant mat, la vision que je t'amène.